Les 47e compétitions sportives des artistes ont eu lieu le 4 courant au stade Kim Il-sung à Pyongyang. Divisée en secteurs de l'art cinématographique, de l'art de théâtre et de l'enseignement artistique, les joueurs ont disputé les matchs de football, de volley-ball, d'athlétisme, de lutte à la corde de traction, etc. Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les fonctionnaires du domaine culturel et artistique et d'autres secteurs intéressés, les créateurs, artistes, enseignants et étudiants y ont assisté.